Le spectacle de la troupe centrale de propagande artistique de la jeunesse, consacré au 64e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, ce thème, le 27 juillet de la victoire éternelle, a eu lieu le 24 juillet au palais central de la jeunesse à Pyongyang. Y ont assisté Lee Il-hwan, chef de département du comité central du Parti du Travail de Corée, les permanents de l'Union de la jeunesse, les jeunes et enfants. Sur le répertoire du spectacle, commencé par le chœur « Gloire au général Kim Jong-un », il y a des numéros variés comme le récit et le chœur vocal mixte, la marche du 27 juillet, la danse à la source, le quatuor vocal masculin « Les fiertés des troupes Kuni » et le solo vocal féminin que les feux d'artifice de la victoire dans la guerre le racontent.